these demons I try. Can't trust these thoughts in my mind. So reckless, so reckless. Can't fight these demons I try. Can't trust these thoughts in my mind. So reckless, so reckless. C'est les mots qui me viennent en tête quand je me rends compte qu'on me joue dans le dos pis je me fais dire que je suis bête. Chaque fois qu'on me disrespecte, le calme existe plus en moi. Vous l'aviez peut-être pas cru, mais en gros je vous parle en malotru. Moi le dire, vous avez plus de valeur pour moi, vous êtes juste répugnant. Cracher sur ma vie, ça me fend le cœur, je vais venir vous éclater en sang. En plus ça me parle dans le dos, comme vous je vais vous faire le chaos comme vous avez fait à moi. Fait que là ne te demande pas pourquoi. Vous êtes des astiques tout face comme vous, je suis capable, vous blesse. Après ça, vous venez me dire salut, vous jouez la carte Joker. C'est quoi votre fucking but? Fait que je vous lance la carte fucker. Après ça, vous allez croire que je vais vous écouter. Dis j'ai cru en vous, vous avez fini par me délaisser. Là, c'est moi qui vous délaisse. Can't fight these demons I try. Can't trust these thoughts in my mind. So these thoughts in my mind, so reckless, so reckless. Par où commencer, mais vous dire simplement que Joker dit que j'ai cru en vous. Vous êtes des hosties two-face. J'aurais jamais dû vous connaître à ce temps. Je dis hier dans vos faces. Maintenant c'est moi qui va jouer Joker dans vos fucking faces. Dis que vous étiez des amis pour moi. Vous étiez juste des connaissances finalement. Maintenant vous faites partie de ma vie. Je la vis comme je veux. Dans ma vie, je souhaite ce que je veux. Je suis rendu grand, alors je pense. Je fais donc ce dont j'ai le goût de faire sans vous. Un jour vous allez voir c'est qu'il est two-face. Joker, Joker. Maintenant vous allez tous fermer votre gueule. Vous allez me supplier, bande de petits enfants. Puis maintenant je suis rendu grand, j'ai appris beaucoup de choses sur le monde. Merci pour tout m'avoir fait vieillir. Can't fight these demons I try. Can't trust these thoughts in my mind. So reckless, so reckless. Can't fight these demons I try. Can't trust these thoughts in my mind. So reckless. Yeah, pour seulement vous dire la vengeance à tous ceux qui ont joué dans le dos. Joker. Yeah.